point d'accueil. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de la Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Monseigneur, l'année a-t-elle bien commencé pour vous ? Très très bien, très très bien. Grâce à Dieu, j'ai fait déjà beaucoup de choses. J'arrive de la Guadeloupe et de Trinidad où j'ai rencontré des confrères. À ma droite, Olivier Marnette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes enseignant, c'est ça ? Oui, exactement. Enseignant en scientifique. J'enseigne la physique à l'université, ponctuellement, mais dans d'autres contextes aussi, à la classe prépa de Damas, j'ai enseigné dans des collèges. Maintenant, ma fonction actuelle est la vulgarisation scientifique. Je suis chargé par le recteur de Guyane et sous la direction de Monsieur Michel Collardel aux affaires culturelles de monter une structure de vulgarisation scientifique qui sera baptisée la Canopée des sciences et qui a déjà œuvré fin novembre pour organiser la fête de la science sur le campus universitaire. Très bien. Augustin Constantin, bonsoir. Bonsoir. J'enseigne la physique au lycée Félix Éboué ainsi qu'à la fac, et j'enseigne en particulier l'astronomie aux premières années. Je commence mon cours demain à la fac, voilà. Bonne année à vous. Merci. 2012, ça a bien commencé pour vous, messieurs, également ? Ah oui. Très bien. Ouais, justement, pour les scientifiques, c'est important, ça, de célébrer l'année qui commence, tout ça, c'est important pour vous ? Monsieur Constantin. Ce sont des traditions qui sont très importantes, qui vont nous faire rentrer directement dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'année ? Le premier livre que l'homme a eu, c'était le ciel. Donc, le ciel dans lequel vit Dieu ? Non, c'était au départ, on ne savait pas tout ça, c'était le ciel. Donc, on a regardé comment, on a vu que il y avait des luminaires qui s'allumaient la nuit, c'était les étoiles. Et puis, il y avait un gros luminaire qui s'allumait le jour, qui parcourait le ciel, c'était le soleil. C'est donc ça, c'est une vision géocentrique. Et puis, on a vu qu'il y avait des configurations qui revenaient régulièrement. Donc, il y a des gens qui se sont consacrés à l'observation et noter ces observations. Et ce sont ces personnes qui pouvaient prévoir la période des moissons, etc. Alors,